بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous avons vu lors du premier cours les mérites quant à l'étude de la science. Et aussi nous avons vu quelques comportements liés à l'étudiant et à l'enseignant. Troisième introduction. Al-kalamu hawla al-imam Malik wa kitabihi al-Muwatta. Et donc une brève présentation de l'imam Malik et de son livre Al-Muwatta. Fa huwa al-imam Abu Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir. Et donc c'est l'imam Abu Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir. Wulida sanata 93 bil Medina. Il est né en 93 de l'Égir à Médine. Baqiya al-imam Malik bil Medina yatlubu al-ilma fiha. وَبَدَأَ طَلَبَ الْعِلْمِ مِنَ الصِّغَارِ. L'imam Malik, il est resté à Médine pour étudier. Et il a commencé à étudier alors qu'il était jeune, très jeune. فَكَانَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ عَلَى أَيْدِي شُيُوخِ الْمَدِينَةِ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا لِلرِّحْلَةِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ الْآخَرِينَ. Et donc l'imam Malik, il est resté étudier chez les chouyoukhs de Médine, et il n'a pas quitté cette ville pour aller voyager, donc le voyage dans l'apprentissage de la science, comme cela est connu des autres savants. Lui, il est resté à Médine. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَدِينَ كَانَتْ مَرْكَزَ الْعِلْمِ. Pourquoi est-ce qu'il est resté à Médine et qu'il n'a pas voyagé comme les autres savants? C'est parce que la ville de Médine était donc le centre de la science. C'est là qu'il y avait les ulama. Et donc lui, il est resté là-bas. Lam takun el hajatu massa lil khuruj min al Medina. Et donc il n'y avait pas forcément un grand besoin de quitter Médine parce que les savants ils y étaient déjà. Wa kana al imam Malik. Ça c'est une anecdote. Notre frère Mahdi, on en parlait tout à l'heure. Un point important. كان الإمام مالك لا يكتفي بالدروس في المسجد. L'imam Malik, il ne se suffisait pas des cours qu'il y avait à la mosquée. بل كان يحرص على الدروس في بيوت الشيوخ. Il s'efforçait de participer aux cours qu'il y avait chez les chouyoukhs, chez eux. Ah, donc il allait chez eux, il attendait qu'on lui ouvre la porte. Il rentrait pour profiter des durous qu'il y avait à la mosquée et à l'extérieur de la mosquée, pour profiter un maximum. Malheureusement, aujourd'hui, on a des frères qui ne se rendent pas compte de la ni'ma dans laquelle ils sont. Facilité, tu es chez toi, tu reçois un message qui te dit que tu es accepté à l'université de Médine. Allahu Akbar. Voyage, tu n'as rien payé, tu voles aux frais du roi d'Arabie Saoudite, tu arrives, tu n'as pas à penser « Ah, comment je vais faire pour gagner de l'argent, comment ?» Oh. Non, on te dit « Tiens, il y a une cantine, tu vas manger là-bas, matin, midi, soir. » Ça, les dourous, ils sont là, tu vas... C'est une facilité. Les frères, ils vont, ils étudient à l'université, bus, et c'est tout. Et c'est tout. Et les chouyours, ils sont les gens de science. Pourquoi est-ce qu'on ne profite pas de leur science? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas chez eux aussi profiter des durous? Il faut être mujtahid. Il faut faire des efforts, les frères. Il faut faire des efforts. Il faut arrêter de perdre du temps dans des sujets futiles, dans ce genre d'appareils. Des téléphones qui sont soit dans nos poches, soit dans nos mains. Et que quand tu veux dormir, tu le mets sous ton oreiller. Perte de temps totale. Et donc, l'imam Malik, il faisait très attention à son temps. Très attention à remplir ses journées de l'étude, de l'apprentissage, de la science. Et ensuite, il est devenu cette montagne. Il est devenu cette montagne de science. Rahimahullah ta'ala. فكان الإمام مالك شديد الانتقاء للشيوخ وكان لا ينقل في كتبه إلا عن من هو ثقة عنده. L'imam Malik, il était très sélectif concernant les chouyours. Et il ne citait pas dans ses livres, il ne rapportait les narrations que de ceux qui étaient pour lui fiables. Et ça, c'est très important. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ مُسْلِمُ فِي مُقَدِّمَةِ صَحِيحِهِ يَرْحَمُكَ اللَّهُ عَنْ بِشْرِ بْنِ عُمَرَ قال سألت مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن سعيد بن المسيب فقال ليس بثقة وسألته عن صالح مولى التوأمة فقال ليس بثقة وسألته عن أبي الحويرث فقال ليس بثقة وسألته عن شعبة الذي روى عنه ابن أبي ذئب فقال ليس بثقة وسألته عن حرام بن عثمان فقال ليس بثقة وسألت مالكا عن هؤلاء الخمسة فقال ليس بثقة في الحديث أو في حديثهم وسألته عن رجل نسيت اسمه فقال هل رأيته في كتبي قلت لا قال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته قال لو كان ثقة لرأيته في كتبه. Parmi les éléments qui montrent que l'imam Malik était très sélectif, il y a ce que l'imam Muslim a cité dans l'introduction de son recueil As-Sahih. Selon Bishr ibn Umar, qui a interrogé l'imam Malik rahimahullah concernant 5 personnes que j'ai citées et que vous avez entendu leur nom. Et à chaque fois, l'imam Malik y répondait en disant « Laysa bithika, il n'est pas fiable. Il n'est pas fiable. Il n'est pas fiable. » Et ensuite il dit « Wasa'altuhu, je l'ai interrogé concernant un homme dont j'ai oublié son nom. » Alors l'imam Malik m'a répondu en disant « Est-ce que tu l'as vu dans mes livres ? Est-ce que cette personne, tu l'as vu dans mes livres ?» Il a dit non. Alors l'imam Malik a dit « S'il était fiable, tu l'aurais vu dans mes livres. » Cela montre que l'imam Malik, il était sélectif. Il ne prenait pas de n'importe qui. Il va faire attention à ses enseignants. Est-ce qu'ils ont une bonne croyance? Est-ce qu'ils connaissent bien le domaine? Etc. Il va donc vérifier. Et nous aussi, on doit faire la même chose. C'est pas à chaque fois que tu entends « Ah, Cheikh, ah, Foulen, ah, ah » tu vas aller assister. Ou tu vas écouter. Étudiant de Médine, machallah, aujourd'hui, c'est devenu presque la plus grosse tasse qu'il y a. Juste, on te dit étudiant de Médine, ça, khalas, c'est fini. Mashallah, il est fiable. Non, non, non. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut strictement rien dire. Et donc, il faut faire attention à ça. فَهَذَا يَدُلُّنَا أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ مَالِكَ الْأَئِمَّةَ كَمَالِكٍ وَالشَّافِعِي وَأَحْمَدُ وَالْبُخَارِي وَغَيْرِهِمْ كانوا يتكلمون في الرواة ولم يعدوا ذلك من الغيبة المحرمة. Et cela nous montre aussi que les imams tels que Malik, Shafi'i, Ahmed, Al-Bukhari et d'autres, cela nous montre qu'ils critiquaient les rapporteurs du hadith. Ça pouvait arriver qu'ils critiquent des rapporteurs de hadith, des narrateurs. Mais ils n'ont pas considéré cela comme étant de la médisance interdite. Non. وإنما كان ذلك صيانة للدين ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. Mais ils ont fait cela pour préserver la religion et la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم. Aujourd'hui, si nous pouvons nous poser et dire, bon les frères, on va lire le livre, on va lire le chapitre du bon comportement dans le Muwatta de l'imam Malik. Aujourd'hui, si on peut faire ça, c'est parce qu'il y a des hommes avant nous qui se sont renseignés sur les rapporteurs et qui nous ont dit un tel il est fiable, un tel il est fiable, un tel n'est pas fiable, attention. Et donc nous aujourd'hui on arrive, on peut ouvrir le Muwatta, regarder la chaîne de transmission et voir ce qui est authentique et ce qui n'est pas authentique. Et donc aujourd'hui le fait de dire que critiquer quelqu'un c'est tout le temps de la médisance qui est interdite, non c'est faux. Non c'est faux. Si cela est fait pour préserver la religion d'Allah, des égarements d'une personne ou d'une personne qui se trompe souvent, etc., etc., alors cela est correct et même obligatoire. On le verra, inshallah ta'ala. وأنتم تعرفون ما أخرجه الإمام الذهبي في الميزان عن عاصم الأحول قال كنا في مجلس قتادة فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه قلت ما أرى أن يقع أهل العلم بعضهم في بعض فالتفت إلي فقال أما تدري يا أحول أن الرجل إذا ابتدع Et vous connaissez, vous avez déjà sûrement entendu ce qu'a cité l'imam al-Dhahabi dans son livre Al-Mizan, selon Asim al-Ahwal, qui dit: nous étions dans une assise avec Qatada, et il a cité Amr ibn Ubayd et l'a critiqué. J'ai dit: je ne vois pas qu'il est convenable que les gens de science se critiquent les uns les autres. Alors il s'est tourné vers moi, c'est-à-dire Qatada. Qatada s'est tourné vers moi et il a dit: ne vois-tu pas, ô Ahwal, que l'homme, lorsqu'il innove, lorsqu'il invente une innovation, il est obligatoire de le citer afin de s'en méfier. Il est obligatoire de le citer afin de s'en méfier. وكذلك من فوائد القصة المذكورة بين بشر بن عمرو والإمام مالك أن الإمام مالكا كان لا يروي في كتابه إلا عن ثقات كما ذكرنا. Et aussi donc parmi les leçons profitables qu'il y a dans cette histoire entre Malik et Bishr, il y a le fait donc que Malik ne rapportait les hadiths que de ceux qui étaient fiables selon lui. Comme on l'a cité précédemment, et cela est très important, le Cheikh Mugbil, le Cheikh Mugbil, il dit une très belle parole. Il dit: fal imam Malik min alladhina la yarawuna illa an thiqat wa ma'a hadha farawa an Abd al-Karim ibn Abi al-Mukhariq wa an 'Asim ibn Ubaydillah wa an Thalith huwa 'Ata ibn Abi Muslim al-Khurasani. L'imam Mugbil, rahimahullah, il dit: l'imam Malik, il ne citait les narrations que de ceux qui étaient fiables pour lui. Et malgré cela, il a rapporté les hadiths de Abdul Karim ibn Abi al-Mukhariq et Asim ibn Ubaydillah et un troisième qui est Ata ibn Abi Muslim al-Khurasani. Le Cheikh Mugbil dit: et ceux-là sont faibles. Ils ne sont pas fiables. Wa zakara ibn Abd al-Barr fi at-tamhid an al-imam Malik an qila lahu lima rawayta an Abd al-Karim ibn Abi al-Mukhariq qala li annahu gharrani bi kathrati tawafihi wa fi riwaya bi kathrati sujudihi. Ibn Abd al-Barr, il a cité dans le Tamhid que l'imam Malik fut interrogé, rahimahullah, pourquoi est-ce que tu as rapporté les hadiths de Abdul Karim ibn Abi al-Mukhariq? L'imam Malik a répondu en disant: car il m'a trompé par le grand nombre de tawaf qu'il faisait. Et dans une autre narration, le grand nombre de prosternations. Et donc, il a trompé l'imam Malik par le grand nombre, par ses actes d'adoration. Il montrait la piété et autres. Et donc cela montre que le savant, il peut se tromper. Le savant, l'imam Malik, qui est connu pour être donc très sélectif, il s'est trompé, comme toute personne, comme tous les savants. Tout le monde peut se tromper. Et donc tu te bases sur quoi? Sur la preuve. Quelle est la preuve qui montre que lui il est fiable et la preuve qui montre que lui n'est pas fiable? Tout simplement. Wa min shuyukh al-imam Malik. Et donc parmi les enseignants, les shuyukh de l'imam Malik, il y a Nafi' wa Sa'id al-Makburi et Amir ibn Abdillah ibn Zubair wa ibn al-Munkadir wa Zuhri ainsi que Abdullah ibn Dinar et d'autres. Il y en a plein. قال الذهبي في السير الذهبي il dit dans son livre سير أعلم النبلاء كان عالم المدينة في زمنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه زيد ابن ثابت وعائشة ثم ابن عمر ثم سعيد بن المسيب ثم الزهري ثم عبيد الله ابن عمر Thumma Malik. Et donc il dit l'imam al-Dhahabi, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses deux compagnons, c'est-à-dire Abu Bakr et Omar, toute personne qui était savant à Médine à son époque furent Zayd ibn Thabit ainsi que Aisha, puis Ibn Omar, puis Saïd ibn Musayyib, puis Az-Zuhri, puis Ubaydullah ibn Umar, puis Malik. C'est-à-dire que c'est vers lui que les gens retournent. Il y a d'autres savants, mais c'est lui le savant de son époque. C'est-à-dire c'est vers lui que les gens retournent. Wa zakara qawl al-Shafi'i. Ensuite, al-Dhahabi a cité la parole de l'imam al-Shafi'i, qui a dit « Iza dhukira al-ulama, fa Malik al-Najm ». Lorsque les savants sont cités, alors Malik est l'étoile. C'est celui qui se distingue des autres. Wa ja'a 'an al-imam Malik annahu qala ma ajabtu fi al-fatwa hatta sa'altu man huwa a'lam minni hal tarani mawdi'an li dhalik sa'altu Rabi'ah wa sa'altu Yahya ibn Sa'id fa amarani bi dhalik. Et aussi, il a été rapporté de l'imam Malik qu'il a dit « Je n'ai pas apprécié faire des fatwas, émettre des fatwas avant de demander à ceux qui ont plus de science que moi. J'ai interrogé, donc je leur ai donc demandé si j'étais capable de cela. J'ai demandé à Rabi'ah, j'ai demandé à Yahya ibn Sa'id et ils m'ont tous les deux dit donc de le faire. » Wa hadha yadulluna ayyuha al-ikhwa. Cela nous montre, ô mes frères, que l'étudiant ne se précipite pas. Tu as étudié, et ensuite il se peut que tu vois que tu es apte. Alors demande à ton enseignant, demande à celui qui te connaît, qui connaît ton niveau, que tu vas voir régulièrement, demande-lui est-ce que tu es apte à le faire. Ne te précipite pas. L'imam Malik, lui, ne se précipitait pas. وكان الإمام مالك محبا للسنة مدافعا عنها. الإمام مالك il aimait la sunna et il la défendait. الإمام مالك il aimait la sunna et la défendait. وقد ذكر الإمام الذهبي في السير المقالة المشهورة عن الإمام مالك لا يؤخذ العلم إلا عن لا يؤخذ العلم عن أربعة. Et donc l'imam al-Dhahabi il a cité dans Siyar la parole très connue de l'imam Malik lorsqu'il a dit la science n'est pas prise de quatre personnes. La science ne doit pas être prise de quatre personnes. Safihin yu'linu safaha aw yu'linu safaha. Un individu qui est sot, il est sot et il montre publiquement ses sottises. Il est sot et il montre publiquement ses sottises. Wa sahibi bid'a yad'u ila hawa. Un adepte de l'innovation qui appelle à sa passion. Wa man yakdhibu fi hadith an-nas wa in kuntu la attahimuhu fi al-hadith. Celui qui ment lorsqu'il s'adresse aux gens, même si je ne le soupçonne pas dans le hadith. Il dit ça l'imam Malik parce qu'on a ce qu'il s'appelle, dans la science du hadith, on a kadhab et mutahem bil kadhib. Al-kadhab, c'est celui qui a menti sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même une fois. Même une fois. Kadhab. Grand menteur. Parce qu'il a menti sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui ment lorsqu'il s'adresse aux gens, concernant les sujets mondains ou autres, ils vont dire « mutahem bil kadhib ». C'est-à-dire celui qui est soupçonné de mensonge. Pourquoi ? Parce que vu qu'il ment quand il s'adresse aux gens, qu'est-ce qui empêche qu'il mente quand il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Et donc ils appellent ça « mutahem bil kadhib ». L'imam Malik, il dit donc, parmi ceux dont on ne doit pas prendre la science d'eux, il y a celui qui ment lorsqu'il s'adresse aux gens, même si je ne le soupçonne pas dans le hadith. « Wa salih » عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به. Et un individu qui est pieux. Il est pieux, adorateur, noble. Mais il ne mémorise pas ce qu'il rapporte comme narration. Il ne maîtrise pas son domaine. Il se peut qu'une personne soit bien. Il est pieux, mashallah, on l'aime bien. Mais, par contre, pour enseigner, on va dire non. Non. C'est pas à chaque fois qu'il y a une mise en garde contre quelqu'un que ça veut dire que c'est un innovateur. C'est pas à chaque fois qu'il y a une mise en garde contre quelqu'un que ça veut dire qu'il est un innovateur. Non. Il y a plusieurs raisons qui vont entraîner donc le fait qu'on ne peut pas prendre la science d'un individu. Wa kana al-imam Malik yakhafu min al-qawli 'ala Allah bighayri 'ilm. L'imam Malik, il avait peur de parler d'Allah sans science. ذكر الذهبي في السير أن مالكا سئل عن 48 مسألة فأجاب عن 32 منها بلا أدري. الذهبي il a cité dans son livre السير que l'imam Malik fut interrogé concernant 48 questions, excusez-moi. Et il a répondu à 32 d'entre elles en disant La Adri, je ne connais pas. 48 questions. Aujourd'hui, qui est capable de faire ça? Des prédicateurs qui sont loin d'atteindre le niveau de l'imam Malik, il se peut que tu l'interroges sur 200 questions et à chaque fois, le jugement c'est ça, le jugement c'est ça, le jugement c'est ça, le jugement c'est ça, le jugement, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Sans dire la Adri. Al-Hafidh al-Nawawi, il dit « Hadha yadullu ala qillati dinihi ». Cela montre le peu de religion qu'il a, le peu de crainte qu'il a d'Allah tabaraka wa ta'ala, chaque fois de répondre. Il dit l'imam Al-Hafidh al-Nawawi, il dit « On voit les muhaqqiqin, les vérificateurs parmi les ulama, ils sont interrogés et souvent ils disent « La adri, Allahu a'lam, la adri, Allahu a'lam ». Et celui-là, tout ce qu'on lui pose comme question, il répond. Il dit, cela montre que celui-ci n'a pas de crainte. L'imam Malik, il avait peur. Il avait peur de parler sans science. Wa kana al-imam Malik la yuqaddimu qawl ahadin ala qawl ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Malik, il ne faisait prévaloir la parole de quiconque au-dessus de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Dhahabi, il dit dans Siyar. Walakin hadha al-imam alladhi huwa an-najm al-hadi qad ansaf wa qala qawlan faslan hayth yaqul kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa sahib hadha al-qabr sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il dit, Al-Dhahabi, il dit en parlant d'imam Malik, il dit cependant cet imam, cette étoile guidante, il a certes été juste. Et il a dit, il a prononcé une parole tranchante lorsqu'il a dit, toute personne, nous pouvons prendre sa parole, accepter sa parole ou la rejeter, sauf celui qui est dans cette tombe. Et il a montré la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa qala aidan, a kullama ja'ana rajulun ajdala min rajulin tarakna ma ja'a bihi jibril ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Malik il a aussi dit, est-ce que à chaque fois qu'un homme nous vient en étant plus fort que nous dans le débat, nous allons le suivre et délaisser ce avec quoi est venu Jibril au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela montre l'accrochement de cet imam à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa kana al-imam Malik la yuhibbu al-julus ma'a ashab al-ahwa wal-jidal. Fa kana idha ja'ahu rajul min ahli al-ahwa qala ama anni ala bayyinatin min dini amma anta fashakun fadhhab ila shakin mithlik fakhasimhu. L'imam Malik, il n'aimait pas s'asseoir, il n'aimait pas fréquenter les gens de la passion et débattre avec eux. Lorsque un adepte de la passion venait à lui, il disait, certes, moi, je suis sûr de ma religion. Je suis sûr, je n'ai pas de doute. Par contre, toi, tu doutes. Alors va voir une personne qui doute comme toi et débat avec lui. Et débat avec lui. Aujourd'hui, qui sommes-nous? On est loin de lui et on va débattre avec tout le monde. Toute personne qui vient débattre avec toi, tu réponds. Et jusqu'à ce qu'après toi, tu vas à droite, tu vas à gauche. À chaque fois que tu trouves une personne qui est plus forte que toi dans le débat, ben tu le suis. وَالْكَلَامُ فِي الْإِمَامِ مَالِكُ وَدِيَتُولُ. Et donc, le fait de la présentation de l'imam Malik peut être très longue. Et donc, Inch'Allah ta'ala, on va arrêter là concernant la présentation de l'imam Malik. Et on va continuer donc dans quelques minutes. Bi'idhnillah. Pour aborder le sujet du Muwatta. Et ensuite rentrer dans les trois premiers hadiths. Aujourd'hui donc au programme, on voit les trois premiers hadiths Inch'Allah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.